Le journal d'internet sud-coréen Jajusibo annonce que la solidarité pour les droits civiques de Busan a tenu le 5 un rassemblement avec des citadins pour l'interruption du simulacre de guerre des Américains, le retrait du plan de disposition de Saad et l'évacuation du laboratoire des armes biochimiques devant l'embarcadère des troupes américaines dans le port de Busan.